السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنشكر الله عز وجل على ما أنعمنا علينا من النعم الكثيرة التي لا تحصى، ومنها هذه المجالس العلمية التي نتذكر فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, comme nous est coutume et qui nous est recommandé, c'est de louer Allah Azzawajal pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, ces bienfaits qui sont indénombrables. Et parmi eux, ces assises de rappel, dans lesquelles on se rappelle le livre d'Allah Azzawajal et la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقد تعلمون الفضائل المتكاثرة في هذا الجانب ممن يجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون فيما بينهم. Et vous connaissez très bien les grands mérites qu'il y a pour ceux qui se rassemblent dans la maison d'Allah Azzawajal pour étudier son livre, le lire, que les anges les entourent, que descendent sur eux la sakina, la quiétude, et que les couvre la miséricorde. Et étudier le livre d'Allah Azzawajal, هذا ما يختص بالكتاب القراءة في المصحف. Ce n'est pas spécifique au fait de prendre un mushaf et de lire dedans. C'est en fait tout ce qui se rapporte au Coran, que ce soit le Coran en lui-même, que ce soit les doulous dans le tafsir, les doulous dans l'aqidah, tout ce qui revient au Coran rentre dans ce hadith. Dans ce hadith, et les hadiths eux-mêmes rentrent dedans, car les hadiths, comme vous savez, sont une révélation. Donc tout cela rentre dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va essayer de ce qu'on pourra, biznillah ta'ala, de lire un petit peu dans un livre que j'ai choisi, qui est Bahjat Qulub al-Abrar wa Kurat A'yun ou Uyun al-Akhyar. C'est un livre de l'imam Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Il ressemble un petit peu au Arba'in Nawawiyah, lakin bi awsa. Il cite plus de hadiths. Des hadiths qui englobent des règles générales dans tous les domaines de la religion, dans la croyance, dans la jurisprudence, dans les comportements et dans différentes règles. Et ce qui est à prendre comme faïd est très important. Le livre, à la base, il y a beaucoup de hadiths, il y en a 90. Entre nous, j'espère ne pas avoir fini le livre, tu vois ce que je veux dire. Mais on fera ce qu'on peut, Inch'Allah. Et c'est bon. Et on prendra ce qu'Allah Azzawajal nous facilitera de pouvoir lire. سنختصر لن نقرأ كلام المؤلف كله سنقرأ الأهم منه. On va lire, quand on lit les hadiths, le plus important, on ne va pas lire forcément tous les paragraphes, tout ce que l'auteur il a dit, car ça pourrait être très long. Mais on prendra l'essentiel, ou ce qui est estimé comme étant le plus important. نعم. لعلكم تعرفون هذا المؤلف هذا الشيخ الكبير العلامة عبد الرحمن السعدي. Ce grand savant qui était parmi les mashaykhs de cet imam dans ce siècle, qui est Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Sa'di, c'était parmi ses mashaykhs. Donc vous voyez, évidemment qu'il n'était pas n'importe qui, vu l'élève qu'il a eu. Il était son principal cheikh, celui dont il a profité le plus. Mais Allah Azzawajal a fait que c'est son élève qui était plus connu que lui. Alashi aradahu Allah ta'ala. Tamam. Parce qu'on abda, Inch'Allah, fil bab al-awwal, ya'ti bi hadithayn. Directement. Dans le premier chapitre, il cite deux hadiths en même temps. Normalement, il fait hadith, hadith. Et là, il en met deux en même temps, car ils sont liés l'un à l'autre. Et ces hadiths, vous les connaissez. pour beaucoup d'entre eux. Mais souvent, on manque de fiqh pour en extraire beaucoup d'enseignements. Donc les ulama, ils sont là. Allah leur a donné le ilm pour pouvoir te faire constater ce que tu n'aurais pas vu de toi-même, peut-être. Probablement. Fayaqul al-hadith al-awwal. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه. سفر من الحديث de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dans lequel il dit qu'il a entendu le message d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire que les actes ne valent que par les intentions. Et que chaque personne sera rétribuée en mesure de son intention. Puis il donne un exemple, celui dont la hijra, c'est-à-dire l'émigration, sera pour Allah et son messager, alors cette émigration sera comptée comme telle. Quant à celui dont la hijra sera pour obtenir un bien de ce bas monde ou épouser une femme, alors cette hijra sera comptée comme telle. Et le deuxième hadith, عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه كذلك. Selon Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Umm Abdillah, Siddiqa, la fille de Abu Bakr Siddiq, comme ta'lamoun, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, et une autre version du hadith dit, celui qui œuvre d'une œuvre qui est hors de notre enseignement, alors elle sera rejetée. Naam. Et ces deux hadiths-là, vous les trouvez également dans Arba'in Nawawiyya. فَيَقُولَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ الْعَظِيمَانِ يَدْخُلْ فِيهِمَا الدِّينُ كُلُّهُ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ فَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ميزان للأعمال الباطنة وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة. Il dit l'auteur que ces deux hadiths, qui sont deux hadiths immenses pour le sens qu'ils englobent, à eux deux, la religion y rentre entièrement. Ces deux hadiths-là, à eux deux, englobent toute la religion. Ses fondements et ses branches. Ce qui en est apparent et ce qui en est caché. Quand on dit caché, les choses qui ne sont pas apparentes, en fait, qui sont enfouies. Comme la niya, comme cela va venir. Donc le hadith de Omar, c'est une balance pour les œuvres intérieures, qu'on ne voit pas. L'intention. Quant à celui de Aïcha, c'est une balance pour les œuvres apparentes. Et ce hadith, premièrement de Omar, parmi les ulama, les anciens qui disaient que chaque personne qui fait un ouvrage, yanbari lahu an yabda bi dhikr hadha al-hadith fi jami' al-abwab. Que chaque personne qui viendrait à écrire un livre relatif à la religion devrait commencer son ouvrage par ce hadith pour se rappeler ce qui va suivre, car toutes les œuvres sont bâties dessus. Et celui qui oublie ce genre de hadith, sa niya peut changer et son œuvre peut se voir devenir vaine. Wallahu a'lam. Et ça rappelle hatta nujadid al-niya fi a'malina kulliha, que dès tout le temps, on soit en mesure de renouveler notre intention, de se rappeler que l'intention est importante pour toutes nos actions. Car des fois, on fait des choses, on y est tellement accoutumé qu'on oublie. On le fait par habitude. Fa niya ra'iba, fa al-ajr kadhalik. Donc tu verras que la niya est absente. Donc, qu'est-ce qui va en découler? La récompense également sera absente. Il n'y aura pas de récompense car il n'y a pas eu d'intention. Malheureusement. Donc le hadith de Omar, lui, concerne les œuvres, les actes intérieurs. Celui de Aïcha, les œuvres extérieures. قال ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول. Donc dans ces deux hadiths, on y voit la sincérité dont doit faire preuve le serviteur et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les actes qu'il fait. Et ces deux choses sont la condition indispensable pour chaque œuvre, c'est-à-dire que ce soit une œuvre intérieure ou extérieure. Celui qui aurait été sincère envers Allah azawajal dans ses œuvres et qui aura suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'appliquer, alors lui, son action sera acceptée. Lakin hunak shartun thalith. لَعَلَى حَدَكُمْ سَيُذَكِّرُهُ. Il y a une troisième condition. Elle est tellement évidente que souvent elle n'est pas citée. Mais en réalité, elle est importante. Qui la connaît? Naam. Al-Islam. Naam. Troisième shot, ou plutôt on va dire première condition, être muslim. Car si demain un kafir, il vient à faire une œuvre, il est sincère, elle ne sera pas acceptée. S'il vient à faire une œuvre conforme à la sunna, elle ne sera pas acceptée. S'il vient à faire une œuvre, il est sincère, et cette œuvre est conforme à la sunna, mais il n'est pas musulman, elle ne sera pas acceptée. Que ce soit une condition ou deux conditions, tant qu'il n'est pas musulman, de base, son action sera rejetée, comme l'auteur va le citer par la suite. Donc souvent, ne pas omettre de citer cette première condition à la base qui est à l'islam. D'accord, l'islam. قال ومن فقد الامرين او احدهما فعمله مردود داخل في قول الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Quant à celui dont les œuvres seront dénuées de ces deux conditions, al-ikhlas wa al-mutaba'a, alors son action sera rejetée. Et cita comme dalil la parole d'Allah dans le sens où il dit « Et nous avons pris en considération ce qu'ils ont œuvré, c'est-à-dire les koufars, et nous en avons fait de la poussière éparpillée. » Ça veut dire que ça n'a servi à rien. Naam. « Wal jami'u lil wasfayn dakhilun fi qawli Allah ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. » Et ces deux descriptif qu'il a donné, on va dire ces deux conditions, l'iqaboul et l'amel pour que l'œuvre soit acceptée, on le retrouve dans un verset dans lequel Allah, dans le sens, il dit, je ne vais pas à chaque fois répéter dans le sens, vous savez que quand on dit en français, c'est pas la parole d'Allah Azzawajal, c'est la traduction du sens rapproché. Mais c'est pour que des fois, dans l'élan, on oublie de le dire. Mais vous le savez, quand même. Donc, dans le sens où Allah, il dit, et qui donc est de meilleure religion que celui qui sera soumis, c'est-à-dire sincèrement à Allah, et qui aurait été bienfaisant. Donc il s'est soumis avec la sincérité. Et Mursin, qui aura bien agi. Man yuzakkiruna bi ma huwa al-ihsan. Al-din, al-ihsan fi ma bayna al-abd wa rabbi. L'excellence qui est entre le serviteur et son seigneur. Naam. Naam. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc cela inclut quoi? Que tu vas forcément bien agir. Que ton acte sera bi'izni muafiqan li sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ton acte sera en conformité avec la sunna. Donc le verset amène à cela. Wa kadhalik bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun fala wajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. D'ici celui qui aura soumis son visage à Allah et qui aura été bienfaisant, alors il aura sa récompense auprès de son Seigneur et nulle peur sur lui et ils ne seront point attristés. Donc ce verset-là, le même sens que le précédent. C'est-à-dire l'ikhlas, la sincérité, Donc, al-niyya et al-ihsan, huna bima'na al-muta'aba, le suivi prophétique. يقول أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. Donc il dit l'intention, c'est l'objectif de l'œuvre. Pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour obtenir son agrément et sa récompense. Cela implique l'intention de l'œuvre. Et cela implique l'intention pour qui tu fais cette œuvre. L'intention de l'œuvre, ça va venir, Inch'Allah va expliquer ce que ça veut dire. Et celui pour qui tu fais l'œuvre, c'est une chose qui est évidente pour vous. Yaqul, amma niyatul amal, fala tasah at-tahara bi anwa'iha, wala salah, wala zakah, wa soum wal hajj, wa jami' al-ibadat, illa bi qasdiha wa niyatiha. Donc il dit, maintenant, l'intention de l'acte. C'est quoi l'intention de l'acte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la purification, sous toutes ses formes, n'est pas valide. Ni la salat, ni la zakat, ni le saum, ni le hajj, toute forme d'adoration, si ce n'est par l'intention que tu vas y placer. Yaqul, fayanwi tilka al-ibada al-mu'ayyana. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل والمعين والنفل المطلق فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة. Il dit, les adorations sont de différentes formes, comme vous le savez. Parmi elles, il y a celles qui sont obligatoires, celles qui sont surrogatoires. Parmi les surrogatoires, il y a celles qui sont le nafl al-muqayyad, c'est une adoration surrogatoire précise, connue. Et le mutlaq, c'est ce que tu fais comme ça. Un exemple d'une muqayyad, les rawatib, les salawat qu'on fait qui sont accrochés aux salawat obligatoires, comme les quatre avant le dhor et les deux après le dhor. Ça, c'est une salat nafila. C'est une nafila, mais elle est spéciale. Pourquoi? Car elle a été décrétée par la religion qu'elle doit être faite à ce moment-là, de cette façon-là. Amal mutlaq, tu vas faire une salat de toi-même comme ça n'importe quand. Elle n'est liée à rien, juste à ton attention. Tu dis, j'ai envie de faire salat maintenant, par exemple. Et c'est une heure dans laquelle la salat, elle est permise. Salat s'appelle mutlaq, tu l'as fait de toi-même comme ça. Amal rawatib, ou par exemple, salat al-doha, c'est une salat qui est surrogatoire, mais elle est décrétée pour un temps précis, une cause précise. Les salawat de rakat qu'on fait après l'ovo, ou avant de s'asseoir au masjid, ou qiyam al-layl, ça c'est des nawafil muqayyada. Elles sont basées sur un texte, un moment précis, de façon précise. Un mutlaqa, c'est comme tu veux toi. Naam. Donc, quand tu fais une adoration comme celle-ci, la budlaka antanouya hadi l'ibada bidhatiha. Quand tu fais dhor, tu mets la niya du dhor, pas celle du asr. Et tu mets la niya de faire cette adoration qui est obligatoire, qui est le dhor. Sinon, la salat, elle n'est pas acceptée. Quand tu fais le doha, par exemple, tu dois mettre la niya, ce que tu vas faire, c'est doha, obligatoirement. Si jamais tu oublies la niya, ce serait une salat nafila comme ça. Par contre, la mutlaqa, celle qui n'est liée à aucune cause, bumujarad, yani, rahbatik fiha, le simple fait que tu veuilles la faire, celle-là, également, tu mets niya, que c'est une mutlaqa. Donc ça, c'est important. Il faut s'en rappeler. Même la surrogatoire, si tu mets pas la niya qui va avec, eh ben, elle sera pas écrite. Donc c'est ça qu'il veut dire par niyat al-amal. L'œuvre que tu vas faire, tu sais ce que tu vas faire. Lakin tabihu, on a chez muhim, an ahdi niya, la yajouz et talafouz biha. Cette niya, faut pas la prononcer. La niya, on la prononce pas avant de faire une adoration. Liyanna mahallaha al-qalb. La niya, c'est dans le cœur. On n'a pas la prononcer. Ba'dan nas, yafaluna zalik. Lakin hazihi, tukhalif hadith Aisha. Le fait de prononcer la niya, ça contredit le hadith de Aïcha, car tu vas rentrer là dans la bid'a, faire une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite et n'a pas enseignée. Non. قال ولابد أيضا أن يميز العادة عن العبادة. Il a dit également, il faut que tu arrives à différencier, distinguer entre tes habitudes et tes adorations. L'exemple qu'il donne, quelqu'un a l'habitude le matin quand il se lève, il prend un bain, par exemple. Il prend un bain pour se nettoyer. Quand il fait chaud, pour se rafraîchir. Vous voyez? Et cette personne-là, par exemple, la veille, elle est en janaba, en impureté majeure. Et le matin, il se lève. Avant de faire la salat, il dit, oh, j'ai envie de me doucher. Il se lave. Vous voyez? Et après s'être douché, il fait l'ozo. Ensuite, il fait le fajr. Est-ce que lui, sa salat, elle sera valide? Non. Pourquoi? Car le rousl qu'il a fait, il n'a pas mis la niyyah de se laver de l'impureté. Il a fait un rousl pour se nettoyer, comme son habitude. Donc ce rousl-là n'est pas compté comme rousl janab. Donc le même l'ozo qu'il a fait, il n'aura pas suffi. Donc lui, comme il n'a pas mis de niyyah, parce qu'il pourrait dire, ah, c'est bon, je me suis douché avant de faire l'ozo. Non, tu t'es pas douché pour la janaba. Donc ce rousl, il est à refaire. Et à la base, le rousl, il y a l'ozo dedans. Puis ta salat, elle est à refaire également. Pourquoi? Mujarrad al-niyya, il n'a pas eu la niyya. Donc c'est important la niyya. Quant à celui qui fait un rousl de janaba, il sait ce qu'il fait, il sait comment faire son rousl, et il sait pourquoi il le fait. Il a mis une niyya. Donc là, c'est valable. Même si l'autre, il a fait le rousl pour se nettoyer, il fait les mêmes gestes que dans le rousl de janaba, il a fait les mêmes gestes, le même tartib, le même ordre, mais il n'a pas mis la niyya. C'est compté comme un simple lavage. Ce qu'il fera après comme ibada, qui a besoin de tahara, ne sera pas valide. Fahimtoum? Al-fark? Non. قال طيب ثم يقول ومن هذا حيل المعاملات إذا عامل وعامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوصل للمعاملة ربوية مثلا أو يقصد بها إسقاط واجب أو توصلا إلى محرم فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه إلا دي مثلا par exemple il y a des gens qui trichent ils vont faire en apparent une chose qui est légiférée avoir une parole qui est correcte mais sa niya ne suit pas lui vaut autre chose. Mathalan, il va faire un commerce à l'exemple des ce qu'ils appellent aujourd'hui les al-bunouk al-islamiyya, les banques islamiques. Vous voyez, par exemple, eux, pour obtenir ce qu'ils appellent l'intérêt, ils ont une tricherie. Ils vont te dire, Mathalan, toi tu vas acheter une voiture, tu n'as pas les moyens. Et tu sais que prendre un crédit à la banque, c'est haram. Tu en arrives pas. Donc il faut te dire quoi? Choisis la voiture que tu veux, nous on l'achète, et après on te la revend. D'accord? On te la revend. Par exemple, la voiture, elle coûte, je ne sais pas moi, 5 000 euros. Nous on va te la revendre à crédit, ça va revenir à 6 000 euros au final. Donc eux, en faisant cela, c'est quoi leur cost? Un riba. C'est pas vendre des voitures. C'est une banque. C'est pas un concessionnaire. C'est pas un vendeur de voitures. Lui, il cherche une façon d'avoir une chose pour trouver l'intérêt de façon cachée. On va te dire, c'est du commerce. On dit, non, toi, c'est pas du commerce, que t'es pas un vendeur de voiture. Et si cet homme-là n'avait pas voulu la voiture, t'aurais pas acheté la voiture. Contrairement à un vrai vendeur de voiture, ou quelqu'un qui a vraiment nié de faire du commerce. Donc, il y a des gens, ils vont faire des choses qui, fi dhahir, as-siha, al-mashru', lakin niyatuhu ghayr dhalik. Son apparence sera une chose légiférée, les paroles qu'il va te donner, elles seront bonnes, mais dans son cœur, il a autre chose qu'il veut. Donc, sa niya fera que, même si nous, on ne le voit pas forcément, son acte sera rejeté, et en plus, il aura un péché sur lui, parce qu'il a fait. Ava zahir maqala Ali ibn Abi Talib an al-Khawarij. Ali, ce qu'il a dit par rapport au Khawarij, lorsqu'ils ont dit, in al-hukm lillah. Ils ont dit quoi, les Khawarij? Ils ont dit, le jugement n'est qu'à Allah. Ali, il a dit, kalimatu haqq urida biha batil. C'est une parole de vérité, par laquelle est voulu un sens qui est faux. Ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est inversé. On va pas le contredire. Mais vous, votre cause, c'est pas ça. Vous voulez quoi? En mécréant toute personne qui ne juge pas comme vous, vous le concevez. Eh ben là, c'est pareil, en fait. La personne va dire une parole, même un verset des fois, dans une mas'ala, il va donner un verset, ou un hadith, mais dans son cœur, il veut autre chose. Ça rentre dans la shubha, l'ambiguïté. La vérité se mélange au faux. Donc ça rentre dans ce qui est haram, ça entre dans la bid'a et dans plein d'autres choses. Donc là, ça revient à quoi ? An-niyya. C'est quoi que tu veux en faisant cette chose-là ? C'est quoi ton but ? أخذنا مسألة مع أخينا جبريل حفظه الله تعالى في الدرس الماضي في لعنة المحلل que parmi ceux qui sont maudits le muhallil qui se rappelle c'est quoi le muhallil نعم أحسنت c'est celui lorsque le mari a divorcé trois fois sa femme on ne peut pas la récupérer sauf si elle se remet avec un autre homme, que cet homme consomme le mariage, puis il la divorce, le premier peut la récupérer. Donc, le muhallil, c'est quoi son but ? C'est de se marier ? C'est pas de se marier. C'est juste de la prendre, de se marier, pour la divorcer, pour qu'elle retourne avec son premier. Donc, il va faire quoi ? Un akd, avec le wali, avec le mahr, tout ? On va aller comme ça. Mais au final, c'est quoi qu'il veut ? Il veut autre chose, lui. Il veut juste faire en sorte qu'elle soit libérée pour retourner vers son premier mari. On l'a payé, ou c'est son ami, je ne sais quoi. Donc lui, en faisant cela, يستحق اللعنة. Il mérite d'être maudit. Lui est celui qui aura comploté avec lui. Pourtant, les gens vont dire, c'est un mariage. Il a tout, les piliers sont là. Non. Sa niya, c'était autre chose. Ce qui va lui valoir, ce grand péché, cette trahison. Non. Ce maqal, on passe ce passage-là. Donc là, on a fini de parler de ce que veut dire le niyat al-amel, l'intention de l'acte en elle-même. D'accord? Maintenant, il va parler de niyat al-ma'mul lah. La niya qu'on a pour qui on vise. Fawwa l'ikhlas lillahi fi kulli ma ya'ti al-abd wa ma yadhar. Donc c'est le fait d'être sincère envers Allah Azawajal, tout ce qu'on va accomplir comme acte. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Qala Allah Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Donc cela impliquera tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire comme parole. Comme dans le verset, dans le sens où Allah dit, et cependant, il ne leur a seulement été ordonné que de ne vouer un culte exclusif à Allah Azzawajal. Ce verset-là, c'est le asl dans Al-Ikhlas. وَقُلُوا سُبْحَانَا أَلَّا لِلَّهِ الدِّينَ الخالص n'est-ce pas pour Allah qui est la religion pure. وذلك ان على العبد ان ينوي نيه كليه شامله لاموره كلها ومقصودا بها وجه الله وتقرب اليه وطلب ثوابه واحتساب اجره والخوف من عقابه. Ça veut dire que le serviteur dans tous ses actes, il doit avoir une bonne niya dans tout ce qu'il fait qui est considéré comme étant une ibada. Il veut par cela le visage d'Allah, lui plaire. Quand je dis lui plaire, je fais pas un ta'wil. Allah Azza wa Jalla a une face. Mais c'est pour dire également, il veut son visage et veut lui plaire. Il veut se rapprocher de lui. Il veut obtenir sa récompense. Quand même. Et il a peur de son châtiment, de sa colère. Donc en faisant cela, il est sincère. Yaqul طيب في جميع أحواله حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرئة والسمعة وقصد المحمد عند الخلق ورجاء تعظيمهم بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه. Donc lui fait attention à son intention dans ses adorations qu'elles soient exclusives pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne cherchent pas par cela l'agrément des gens, leurs éloges, de leur plaire, tout ce qui est lié au riya, qui est l'ostentation, ou la sam'a, qui est la réputation, car cela annule l'œuvre. Celui qui met du riya dans une œuvre, cette œuvre sera annulée. Pourquoi ? Qu'elle aura enfreint la condition de base qui est an-niyya, l'intention. Il va faire une chose, une sadaqa, pour dire qu'il est généreux. Même s'il fait la sadaqa de façon légiférée, comme sa niya n'était pas pour Allah Azzawajal, sa sadaqa, elle est annulée. Pire encore, il a l'ism, le péché du riya. Maintenant, ce riya, les frères, hafizakumullah, Quand yati bi shaytan bi ghayr an tatlubah. Des fois, shaytan il vient avec le riya sans même que tu l'aies. Toi, tu n'as pas voulu riya. Tu as commencé une ibadah. Et shaytan, c'est ton ennemi. Lui, il veut tout faire pour te kharab ce que tu fais. Donc, il vient à waswas pour que ta niya change. Donc, si toi, il y a cela qui te vient, on n'est pas dans le jeu de shaytan ou waswas, dis c'est bon, ce que j'ai fait, c'est nul. Non, tu repousses. Tu continues. Ce que tu fais comme œuvre, tu continues. Car au début, tu étais sincère. Par exemple, je sais pas, moi, tu fais une salate et tu es quelqu'un qui a une belle voix. Et tu lui faisais ta salade à haute voix, par exemple. Les gens sont arrivés. Je te dis, vas-y, embellis ta voix, on va dire que t'es bien, akada. Si jamais ça devient, toi, repousse. Dis pas, c'est bon, j'arrête la salade parce que les gens vont croire que je fais ça pour eux. Là, faire un acte pour les gens, c'est du riya. Et délaisser un acte pour les gens que tu fais habituellement, c'est du riya kadalik. N'tabihu ila hada. Quand t'as l'habitude de faire une chose, continue à la faire comme tu fais l'habitude. T'es quelqu'un qui fait le Qiyam al-Layl, par exemple. Et un soir, il y a des gens, ils rentrent quand tu le fais. Ils vont te voir. Ne te cache pas. Continue. Si t'arrêtes, tu rentres dans le riya. Pourquoi t'arrêtes? Pour les gens. C'est pour qui que tu fais le Qiyam al-Layl? C'est pour Allah Azza wa Jal. Continue pour lui. Fais no yarak. Allah, il te voit. Les gens, fais pas attention à eux. Et si tu sens un truc en toi, repousse. Da'afia. Sta'iz billah wa da'afia. Et biznillah ta'ala, amaluka makboul. Que ton œuvre sera acceptée. Et ça, il y a quasiment personne qui échappe. Il faut se le rappeler quand on le fait, de repousser. ثم يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية وأن مدارها على النية ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى إنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها وكمالها أو نقصانها فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب به إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. Donc il a dit également, cette niya, plus elle sera forte et plus la récompense sera complète. Et moins cette niya sera forte, et plus la récompense sera réduite. Donc également, ça joue sur la valeur de ton acte. Il peut être accepté, mais être de moindre valeur. Comme il peut être accepté, être de plus grande valeur. Plus ton ikhlas est fort, et plus l'acte sera fort. Même si c'est un acte qui paraît anodin à tes yeux, ta niya était forte. Taïeb. La'allallah yudarif al-ajr fihi. Li'ajli niyatik. T'as fait peut-être un acte qui paraît anodin, qui paraît comme ça, de peu de valeur, et en réalité, pour la niya que t'as eu, tellement tu étais sincère dedans, que Allah Azza wa Jal lui a mis une grande valeur. Une grande valeur. Et le contraire. T'as fait un acte, mais la niya, elle était pas, bitamamiha. Elle était pas complète. Elle était pas vraiment forte. La azima, elle était pas kawiyya. Donc ça fait que la récompense, elle était réduite. يقول ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا ليقاس عليه جميع الأمور. Donc là le Nabi صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il a fait un exemple par analogie d'une chose sur laquelle on peut faire une comparaison avec toute situation. C'est celui qui fait la hijra entre celui qui l'a fait pour Allah Azza wa Jal et celui qui l'a fait pour autre chose. D'accord? Car se déplacer et quitter le pays dans lequel on est, il n'y a pas que les muslims qui le font. Combien on entend de gens dans les pays pauvres, qu'ils qualifient comme étant des pays du tiers-monde, qui sont prêts à mettre leur vie en péril pour rejoindre l'Europe ou l'Amérique. Ils prennent des bateaux, ils vont à la nage. L'Oratan, au point de vue linguistique, c'est une hijra qu'ils font. Mais elle est pourquoi cette hijra? Pour la dunya. Le musulman, lui, la hijra, il l'a fait pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour fuir avec sa religion et être dans un lieu en sécurité où il peut adorer Allah azawajal librement sans qu'on ne lui fasse subir des injustices dans sa religion du fait qu'il soit un croyant. Maintenant, des épreuves, il y en aura toujours, où qu'il aille. Mais dans sa religion, alhamdoulilah, il sera hur, il sera libre. Donc lui, il part pour ça. Et il y a des gens parmi nous qui vont se rendre en pays d'islam pour autre chose. Azahir al-Hijra, la kinfiniya, talab al-dunya, mathalan. Dans son cœur, ou plutôt en apparence, ce qu'il va faire, c'est l'Hijra. Il a pris un billet, il est parti à Dubaï, mathalan, à Dubaï. Donc, c'est un pays d'islam. Mais lui, c'est quoi qu'il voulait? Faire un tijara, parce qu'en France, ça marchait pas. Ce qu'il vend comme produit, il y aura plus de Kaboul là-bas, il va là-bas. Et il va dire, j'ai fait la hijra. La salade. Et ben, dans son cœur, Allah Azza wa Jalla sait pourquoi il est parti. S'il est parti pour Allah ou s'il est parti pour son tijara. Fil haqiqa. Wa sayubtala bidhalik, il sera éprouvé. Sa, ses prétentions, on va dire, seront mises à l'épreuve et ça apparaîtra. Si jamais c'était pour la dunya, ça se verra. Mathalan, ils est fâché là. Mashru'uhu sayarji'a. Si jamais son commerce il échoue, il va revenir. Alors que le muhajir, même demain il fait un commerce pour prendre son risque, ça échoue, il reste. Si il se voit mouflis sans argent, il reste. Pourquoi? Car il est parti pour Allah. Il est parti pour ces choses-là. Si elles viennent, tant mieux. Si elles viennent pas, il a dit, je suis pas venu pour ça, moi, à la base. Après, il y a des cas, des fois, rien n'empêche de partir comme muhajir avec une niya, de faire des asbeb. Mais ne fais pas du sebeb une raya. Faut pas que ce sebeb soit un aboutissement. Fais juste un sebeb. Et sebeb, il y en a plein. Si celui-là, il échoue, t'en as un autre. Et t'en as un autre. Et t'en as un autre. Et t'en as un autre. Et amché, tu dis, tant que je suis là pour Allah Azawajel, les sebeb, ils vont venir. Mais si un sebeb échoue et que tu lâches, t'agiras pour ça, eh ben là, ça va pas en question ta niya. C'est quoi que tu voulais, en fait? Pourquoi t'es parti? Ça va paraître. Non. Après, il y a des cas de force majeure. Des fois, cause de santé, décès, ou des choses qui, des fois, peuvent te forcer à revenir. Ça peut arriver. La kinela fait awal fursa tarja. Dès que ce que tu avais à faire, tu l'as accompli, tu repars. Tu repars. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis comme exemple cette hijra. Et il a mis les deux choses pour lesquelles souvent l'homme est amené à bouger. Soit la dunya, c'est-à-dire les biens, ou la femme. La femme. Mais ça, là, on voit des frères, souvent, qui partent au pays d'islam pour chercher une femme. On dit, cette femme-là, tu la maries, tu vas la ramener en France? Mariage. Elle est en pays d'islam, tu restes avec elle. Mais tu te maries avec elle et tu la ramènes, ça, ce n'est pas permis. Car à la base, le musulman ne vient pas en pays de couf, à part pour des raisons valables, et celle-ci n'en est pas une. Si toi, tu vas là-bas, tu as une femme musulmane d'un pays d'islam, vas-y, reste avec elle là-bas. Ne la ramène pas ici. Yaqul. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم من الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله قال من قتل ليكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم a été interrogé نعم تفضل sur une masala similaire à propos de l'homme qui combat. Voyez, à l'époque quand il combattait, est-ce qu'il faisait par courage? Est-ce qu'il faisait pour qu'on dise qu'il est courageux, que c'est un héros, ou il le faisait pour Allah Azawajal? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait cela pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, c'est lui qui est fils abilillah. Wa ta'lamuna dal hadith fi hawla thalatha allazina yus'aluna yawm al-qiyamah mimman jabi min a'zam al-a'mal. Ces trois qui seront interrogés yawm al-qiyamah, qui ont fait les meilleures des œuvres. Al-alim, al-mujahid, ou al-ghani, al-karim. Le savant, il sera interrogé. Son ilm, pourquoi il l'a pris, et dans quoi est-ce qu'il l'a appliqué. Et il dira, j'ai appris pour toi, ya Rabbi. Yuqal lahu kathabta. Fa'alta thalika yuqal lannaka alim ou qari. Tu as fait cela pour dire que tu es un savant. Ou que tu es un lecteur du Coran. Et les gens l'ont vraiment dit, ils ont cru dans cette dunya. Finnar, il va au fait. Sani, c'est Yus'el. Maza jahatta, il a dit, j'ai combattu pour toi, mon Seigneur. Il a dit, non, tu as fait ça pour qu'on dise que tu es courageux. Que tu es un héros. Et les gens l'ont dit. Finnar, il va au fait. Et le troisième, Al-Rani, Al-Karim, s'interrogeait. Il a dit, j'ai dépensé les biens que tu m'as donnés, j'ai dépensé pour toi, mon Seigneur. Il a dit là. Fa'altali yukal anka anaka, yani kerim, wa jawad, wa qalqil, ila nar. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu étais généreux et noble. Et les gens l'ont dit. Mais Allah lui sait, c'était quoi ta niya. Ça finit où? Au feu. Lakin nahnu fi ayunina, ma zahra ayna. Qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu que du bien en apparent. Et au final, ils ont fini où, ces gens-là? Au feu, parmi les premiers jetés au feu. À cause de quoi? Une niya. Une simple niya. Pour voir l'importance de la chose. Une niya, tu peux faire un acte parmi les plus immenses qu'il soit, ta niya peut faire qu'il est tout... Il est complètement rejeté. Rejeté, et en plus, comme on a dit tout à l'heure, quand tu azab bihi, il se peut que tu sois châtié pour cela. Pour cette niya que tu as eue, simplement. Dans ton cœur. Wali azabillah. Taïb. وكذلك نعم يدي والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يكون بالقلب العامل من الإيمان والإخلاص حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Il dit également que les actes, certains se surpassent, certains sont meilleurs que d'autres. Et plus tu vois une force dans ton cœur par rapport à cet acte, taban, comme on l'a dit tout à l'heure, et plus tu vois de récompenses. Cependant, une personne peut avoir une niya très forte, mais il n'a pas pu accomplir cet acte. Il a eu un empêchement. Bah, tellement sa niya était forte que la récompense il a quand même. Et Allah Azza wa Jal, il a donné l'exemple de celui où il dit que celui qui sort en muhajir, en émigrant, vers Allah et son messager, mais qui n'arrive pas à destination, il meurt avant, il est compté comme muhajir. Il est mort en route. Wa ta'alifun hadith, zakal rajul, lazi qatala tisatan wa tisana nafsan. Connaissez cet homme qui a tué 99 personnes. Pour sa tawba, qu'est-ce qu'il devait faire? La hijra. Et, donc il a entrepris cette hijra. Il est mort. À mi-chemin, où était sa destination finale? Au Jannah. Pourquoi? Pour la niya qu'il avait. Pour la niya qu'il avait. Donc même ta niya, voyez, le fait que tu l'aies et que tu es véridique, mais tu n'as pas agi, ton ajr, il est mektoum, à la colline. Ta récompense, elle est écrite. Il y avait un passage qui disait, je crois que j'ai sauté, où il parlait, qui est important également, que les moyens que tu vas entreprendre prendront le jugement de ton objectif. Tu vas entreprendre une cause qui est permise pour accomplir un acte obligatoire. Cette cause, tu vas en tirer du hajj. Et le contraire, tu vas prendre une cause, tu vas entreprendre une cause qui est permise pour faire une chose qui est muharram, et bien cet acte permis que tu vas faire sera compté comme muharram sur toi. Al-Misal, qu'on donne fréquemment, ta voiture pour aller au masjid, c'est l'heure de la salat, un jama'a. Tu prends ta salat, ta voiture pour aller au masjid pour la salat. À la base, la voiture, c'est une chose qui est permise. On se sert, c'est un outil. Prendre ta voiture pour aller au masjid, à ce moment-là, tu en récompenses. Car tu te sers d'une chose permise pour une chose obligatoire. Tu prends ta voiture pour te rendre dans un lieu qui est haram, et ben tout le trajet en voiture que tu vas faire, c'est haram sur toi. Alors qu'à la base, c'est juste un trajet dans la rue, tu n'as rien fait. Tu n'es pas encore arrivé. Et ben tout ce trajet-là, ta niya, c'est quoi? D'aller à tel endroit qui est haram sur toi. Et ben tout ce trajet, ce que tu fais avec ta voiture à ce moment-là, c'est écrit comme un ism sur toi. Le mujarrad al-niya, pour ta niya. Voyez, pour ton intention. Il donne d'autres exemples, similaires à celui-ci, mais Al-Azi Zakarna fi kifaya. Thumma, amma hadith Aisha, maintenant il finit par le hadith de Aisha. Man ahdasa fi amrina hadha marisa minhu fa huwa radd. Aw man amila amala nisa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui innove notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Ou, dans une version, celui qui fait une œuvre qui est extérieure à notre enseignement, elle est rejetée. Ce hadith-là, il vous explique, les deux versions sont importantes. Quand on a une, tata'allaq biman ibtada bil amal. Man shara'a bil amal. Man nasha'a hada al amal. Premier hadith, c'est celui qui aura lancé cette œuvre. Le premier qui aura instauré une nouvelle œuvre en religion. D'accord? Il aura inventé une chose en religion. Lui, ce qu'il a fait, ça sera rejeté. Et déjà, ils vont dire, le hadith, il dit, man ahdasa, il dit, man ahdast, inna ma tabi'at. Il va dire, c'est pas moi qui lançais cette chose-là. Moi, j'ai juste fait. C'est lui qui a commencé. Le hadith, il dit, man amila amelan, celui qui aura fait une œuvre externe à notre enseignement, elle sera rejetée. Donc, celui qui a lancé la chose et celui qui l'aura accompli, qui l'aura suivi, les deux, ils sont pareils. L'œuvre, elle est rejetée. Bien que le premier, il est pire. Car le premier, il aura des suiveurs. Il aura le péché des suiveurs, yom al-qiyama. فهذا الحديث يبين لنا تحريم البدع ce qu'on appelle les innovations. وهذه البدع هي البدع التي تكون في الدين ce sont les innovations en religion. هذا مهم جدا car il y a des gens qui jouent. Quand tu leur parles de بدع, ils sortent des choses qui n'ont rien à voir. Ils vont dire bah téléphone c'est une بدع, c'est une... et pas l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dire les écrans c'est une بدع, ça ta voiture et... juste pour polémiquer. La بدع c'est quoi? Ma uhditha ba'd mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Wa laysa 'alayhi dalil min as-sunnah, min al-kitab wa la min as-sunnah, wa qusida bihi at-ta'abbud. C'est tout ce qui a eu lieu après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui n'a aucune base dans le livre dans la sunnah, chose par laquelle on vise l'adoration. Chose par laquelle on vise l'adoration. Donc c'est pas la dunya, ça rentre pas dans ces choses-là, ces choses-là sont permises. Donc on parle en religion. Quelqu'un qui fait une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite, il rentre dans la bid'a. Et ça, c'est rejeté. Vous voyez ? Donc c'est la condition, on va dire la troisième, parce que la première, c'est l'islam. Deuxième, an-niyya. Troisième, al-muta'ba'a. Al-yazak wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnah, sunnati, wa sunnati al-khulafa rachid al-mahdiyin. Il a dit, accrochez-vous à ma sunnah, à moi, et celle des califs bien guidés. Ce qui nous montre qu'il faut suivre les premiers. Et à leur tête, les quatre califs bien guidés, et tous les sahaba, radiallahu anhum, puis les générations qui les ont suivis. Les tabi'in, qui sont ceux qui ont connu les compagnons, mais qui n'ont pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou adba'a tabi'in, les générations qui ont connu les sahaba, mais eux-mêmes n'ont pas connu les sahaba, et encore moins le nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les meilleurs siècles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait leur éloge. Donc pourquoi est-ce qu'on va chercher des gens on ne sait pas qui ils sont, alors qu'on a des gens qui ont leur éloge dans le Coran, dans la Sunna. On va aller prendre un exemple. C'est comme ça qu'on comprend la religion et qu'on ne se perd pas. Après, ça demande d'étudier, bien évidemment, pour distinguer, car ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait qui est forcément correct. Ils ne sont pas infaillibles, ce sont des êtres humains. Mais après, avec le ilm, la halaka tumayyiz bayna ma huwa mathalan mashru' wa ma laysa kadhalik. Avec la science, en apprenant bien, tu arriveras à distinguer entre ce qui est légiféré et ce qui ne l'est pas. Car également, ils sont amenés à faire des ijtihad, comme on dit. C'est-à-dire des efforts d'interprétation d'eux-mêmes. Ils peuvent avoir tort. Cependant, eux, leur tort n'est pas comme le tort à nous. Eux, c'est pardonné. Le tort qu'ils auraient eu, c'est pardonné, car ça n'a pas été chose qui a été faite par passion ou par ignorance ou quoi, mais juste par effort d'interprétation. Et bil munasaba, dans ce qui concerne les bidars, ces jours-ci, on est dans l'une des pires bidars qu'on puisse connaître en islam, qui est ce qu'on appelle el-Mawlid el-Nabawi, qui est la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose-là, est-ce que le prophète il l'a faite? Non. Les sahaba ils l'ont faite? Les tabi'un ils l'ont faite? Les adba'a tabi'un ils l'ont faite? Non. T'es sûr? T'as l'air douteux. Je te garantis, ils ne l'ont pas faite. Donc, est-ce que ça rentre dans la définition qu'on a dit tout à l'heure? Car ceux qui font cela, c'est quoi leur but? C'est une adoration. Ils veulent se rappeler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et exprimer leur amour pour lui. Il y a besoin de plus? Il y a pas, wallah, les frères, il n'y a pas besoin de plus de savoir que c'est une bida. Ils voulaient, vous voyez, aller à droite à gauche chercher des versets hors contexte, des pas. Le prophète ne l'a pas fait pour lui. Les Sahaba n'ont pas fait pour lui. Et les meilleures générations n'ont pas fait pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, de mieux que eux? L'affaire, elle est réglée. Pas besoin de parler pendant des heures. Allah. Celui qui est sur une fitra saine et qui est mukhlis et qui veut vraiment la vérité, pas besoin d'Anders Kamil. Il a compris tout de suite. Ça, c'est une chose qui est nouvelle. Et en plus, ça ressemble à quoi? À Noël. Ça arrive à Noël. C'est la même chose. Noël, c'est quoi à la base? Bon, l'Idrissa, alayhi salam. Regardez comment ça a dévié aujourd'hui. L'ampleur que ça a pris Noël. C'est sorti de sa base. Imaginez si demain on voyait que le mot était permis, où est-ce qu'on serait arrivé? Kazalik. On serait perdu. Lakin ma'a zalika, nahnu, nudafi anil haq, wa hadha min mahabbati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'aimer. C'est appliquer la religion comme il l'a dit. Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fa huwa radd. C'est ça. L'aimer réellement, concrètement. Wa alaykum salam. On va s'arrêter là, bismillah ta'ala. En espérant que ça a été wadih pour vous. À la base, c'est. Je dis, j'ai enlevé un peu des passages, mais. Allazi zakarna fihi, narjou en nafihi kifayaten bismillah ta'ala. Wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.